Augmentation des cas d'affection du myocarde due au vaccin BioNTech. Jusqu'en 2020, la myocardite, c'est-à-dire l'inflammation du muscle cardiaque, était une maladie aux conséquences redoutables à long terme. Mais il semble que depuis le début de la campagne de vaccination Covid, les conséquences de cette maladie sont soudainement plus inquiétantes. Néanmoins, il reste qu'une myocardite grave peut endommager durablement le muscle cardiaque et même entraîner une insuffisance cardiaque. Aux États-Unis, selon les autorités sanitaires américaines CDC, et ici en Allemagne selon l'Institut Paul Ehrlich, on connaît déjà des centaines de cas de personnes, jeunes pour la plupart, qui ont développé une myocardite après avoir été vaccinées avec les vaccins de BioNTech, Pfizer et Moderna. Suite à cela, plusieurs pays se sont prononcés contre la vaccination par ARN messager pour les plus jeunes. À présent, BioNTech et Moderna informent dans une lettre rouge de la possibilité de contracter une myocardite à la suite de la vaccination à ARN messager. Et les professionnels de la santé sont désormais également tenus de mettre en garde contre une éventuelle myocardite due aux vaccins de BioNTech, Pfizer et Moderna. Une mise en garde n'est toutefois plus suffisante dans ce cas. La vaccination devrait être immédiatement stoppée. Début avril, on a appris que l'Institut Paul Ehrlich fermait sa base de données sur les effets secondaires. Plus exactement, les effets secondaires des vaccins sont désormais enregistrés dans la base de données européenne des effets secondaires indésirables des médicaments. Les critiques reprochent à l'Institut Paul Ehrlich de continuer à participer à la dissimulation en fermant sa base de données. En effet, la plateforme européenne serait peu claire et l'accès aux résultats serait ainsi plus difficile pour le citoyen ordinaire. Afin d'anticiper une censure des dommages causés par les vaccins, le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, a fondé en 2019 déjà Vetopedia, l'encyclopédie libre des contre-voix, n'existe pas encore en français. Les médias du système refusent catégoriquement leur devoir de réponse. Mais le temps de l'impuissance est révolu. Vetopedia, l'encyclopédie libre des contre-voix. Plus d'attente vaine, les calomnies médiatiques sont mises à nu. Il n'y a plus qu'ici qu'on cherche la rectification de première main, des contre-arguments directs et non censurés. Maintenant, sur www.vetopedia.org. Chers spectateurs, connaissez-vous des personnes qui ont contracté une myocardite ou d'autres effets secondaires après avoir été vaccinées? Alors signalez-les sur www.vetopedia.org/impfschaden. Vous trouverez également le lien en dessous de l'émission. Soutenez le mouvement contre toute forme de censure et faites connaître Vetopedia à vos connaissances et amis.